Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. Dans ta cour, tu m'as séduit, je voulais te faire l'amour. Ce qui mouvait dans tes environs qui grollent sont devenus des bouches qui s'affolent. Les modes ont engendré les modes. Tes roses se sont très vite fatiguées. D'autres plus jeunes les ont remplacés. Croisant qui t'accrolèvent de la même manière. Angleterre, Angleterre, ta chair te coupe de chair. Angleterre, Angleterre, sur tes murs se lit la misère. Misère. La face ridée, le sourire coincé. Tu as pour toi le look de l'année. Les gens dont tes bras ne sourient pas, ne sourient plus. Le peuple des ghettos se bat dans tes rues. La crise s'arrête par pétrodollars. En République d'Irlande, circule des chars. Tu n'étais pas faite pour ternir. Les émirs auraient pu t'entretenir. Angleterre, Angleterre, la crise des années de guerre. Angleterre, Angleterre, la misère règne à Manchester. Angleterre, Angleterre, ta chair te coûte cher. Angleterre, Angleterre, sur tes murs se lit la misère. Misère. Oh! Yeah.